بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, donc toujours dans le chapitre du tawhid et donc du sens de la ilaha illallah, le tawhid qui est le sens de la ilaha illallah, et toujours avec les nusus, les versets et les hadith que le shaykh il a cité rahmatullah alayh dans ce chapitre pour expliquer le sens de ces mots-là. On appelle kalimat al-ikhlas ou kalimat al-taqwa la ilaha illallah, par lesquels une personne rentre en islam. Mais comme on va le voir, ces mots-là, comme il est bien connu pour tout musulman, que ces mots-là ne suffisent pas à faire d'une personne, du moins ne suffit pas à une personne de pouvoir jouir d'être réellement musulman auprès d'Allah et d'être, comme on va le voir dans le hadith, d'avoir son sang et ses biens protégés, que ça dans la dunya, ou d'être sain et sauf du châtiment dans l'akhirah. Celui qui peut profiter de ça, c'est celui qui connaît son sens et qui le met en pratique, et notamment en délaissant le shirk, donc en adorant Allah Jalla wa Ala seul, par ce quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est le sens d'un des sens de Muhammad Rasulullah. Mais dans la ilaha illallah, on a l'adoration d'Allah seul et le rejet, le désaveu de toute autre divinité ou le désaveu du shirk. Donc ça, c'est ce qu'indique la ilaha illallah, comme on l'avait vu, mutabaqatan. Et donc dans le dernier texte, donc dans ce qui est un hadith donc sahih, rapporté dans Sahih Muslim, que le shaykh cite, ça fait partie donc des textes, si c'est pas le texte peut-être le plus tranchant concernant le sens de cette shahada, et qui montre et qui est une réponse à ceux qui prétendent que celui qui la prononce, alors il est en quelque sorte, comme on dit, mahsoum, il a l'isma, il peut rien lui arriver, ni dans la dunya, ni dans l'akhira, ni dans la dunya comme châtiment de celui qui abandonne l'islam en commettant une sorte de shirk, puisqu'il dit la ilaha illallah, et que ça lui constitue le concernant une genre de protection, ce qu'on appelle l'isma, ou protection du feu, yawm al-qiyama, du moins de l'khulud fil-nar, c'est-à-dire c'est le simple fait de la prononcer pour ces gens-là, ça constitue pour lui une protection contre l'éternité au feu dans l'akhira. Or, on sait bien que c'est faux, puisque chez al-sunna wal-jama'a, on sait que al-iman qawl wa amal, donc parole du cœur, la croyance, parole de la langue, le fait de prononcer ces mots-là, les actes du cœur, donc comme on l'a vu, ce qui constitue la base de l'adoration, al-mahabba wa-dhul, raja wa-l-khawf, comme on l'a vu dans les cours précédents, et les actes des membres. Si bien que ce qui oppose la foi, c'est-à-dire al-kufr, peut être réalisé et commis par toutes ces choses-là. Donc ça peut être un kufr akbar qui fait sortir de l'islam, qui se passe par la croyance, ou par la parole de la langue, ou par les actes du cœur, ou par les actes des membres. Donc on comprend bien qu'à partir de là, le simple fait de prononcer la ilaha illallah, ça ne suffit pas, puisque ça reviendrait à dire que al-iman huwa qawl. Al-iman qawl, et ça c'est la parole de qui? C'est la parole de l'murji'a ou de l'jahmiya, de faire sortir d'une manière globale tout acte de la foi, que ce soit du cœur ou des membres, selon les différents groupes qu'il y a chez eux. Mais en tous les cas, le fait que quelqu'un qui puisse commettre faire un acte ou dire une parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala a jugé comme étant de la mécréance, de la grande mécréance dans son livre, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna, ça ne constitue pas un annulant de l'islam pour ces gens-là. Et donc dans la réalité, quand on analyse bien leur voie, leur madhhab, on trouve qu'ils sont dans ce qu'on appelle l'irja, mais même dans leur rouleau fil irja, c'est-à-dire dans l'exagération, dans le fait de faire sortir les actes de la foi, jusqu'à juger de l'islam de celui qui commet des annulants, sur lequel tous les ulémas ont été unanimes, comme le shirk el-akbar, que ce soit par la parole et les actes. Donc le hadith en question, le shir dit, wa fi sahih, c'est dans Sahih Muslim, il est dans Sahih Muslim le hadith, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. Donc dans Sahih Muslim il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc c'est un hadith dont l'authenticité n'est pas approuvée, puisqu'il est dans Sahih Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui dit la ilaha illallah, donc menqal ici, menqal, celui qui dit la ilaha illallah, et qui mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors son sang et ses biens, ou ses biens dans l'ordre, ses biens et son sang sont protégés, illicites, protégés. Et son compte, son jugement appartient à Allah Azza wa Jal. Wa hisabuhu ala Allah. Le Cheikh Abdurrahman ibn Qasim, rahimahullah, le Muhashi, il dit donc dans son commentaire sur ce hadith-là, أي وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو مالك اسمه سعد ابن طارق كوفي الثقة مات في حدود 40 و100 وأبوه طارق ابن أشيم الأشجعي الصحابي له أحاديث ورواه الإمام أحمد نروى هذا الحديث الإمام أحمد باللفظ من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله فهذا يفسر لا إله إلا الله فعلق صلى الله عليه وسلم عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين. نعم. Donc ce hadith, comme on l'a dit, il est rapporté dans Sahih Muslim. Hadith de Abu Malik al-Ashja'i qui a rapporté de son père, qui a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ces mots-là. Donc celui qui dit la ilaha illallah et qui mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah azza wa jal, ses biens et son sang sont illicites, protégés. Et son compte, son jugement appartient à Allah. Abu Malik, son nom c'est Sa'ad ibn Tariq, Koufi, donc il vient de Koufa, en Irak, quelqu'un qui est digne de confiance, et il est mort aux alentours des 140. Donc c'est un tabi'i. C'est un tabi'i thiqat, quelqu'un qui est digne de confiance donc, dans son rapport du hadith. Et donc son père c'était Tariq ibn Ashim, et lui c'était un compagnon. Donc il rapporte de son père, sahabi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui-même c'était un tabi'i, Abu Malik al-Ashja'i, c'est un tabi'i. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il rapporte de son père. Le sahabi donc, Tariq ibn Ashim. Al-Ashja'i, c'est un compagnon qui a rapporté quelques hadiths. Ce hadith-là, il est rapporté aussi dans le Musnad de l'imam Ahmed, mais avec des mots un peu différents. C'est-à-dire qu'au lieu de dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou du moins dans cette riwaya, le hadith il a été ramené de la manière suivante, c'est-à-dire qu'au lieu de trouver kalimat al-ikhlas, donc al-alfaz, les mots de la shahada, comme c'est le cas dans le hadith de Muslim, man qala la ilaha illallah, on trouve le sens de ces mots-là. Comme on l'avait vu dans le hadith, si on se rappelle, de qui? De Ibn Abbas, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen pour la da'wa, pour diriger le Yémen, pour juger entre les gens, etc. On a vu qu'il lui avait dit, dans une riwaya du hadith, ça c'était dans une riwaya. Que la première chose à laquelle tu les appelles, c'est à l'attestation de la ilaha illallah. Et on avait vu que dans une riwaya rapportée par l'imam al-Bukhari ou dans son sahih, dans le dernier chapitre dans Kitab Tawhid, il avait le hadith, il était rapporté avec d'autres mots. Il est an et wahidullah. Là, on peut dire, il est tawhidillah. An masdariya wa fi'l mudarih. On appelle ça ta'wil masdar. Il est tawhidillah. Il est an et wahidullah. Donc, la shahada par son sens. Et on avait dit que ça montre en rassemblant ces riwayat. En rassemblant ces riwayat, on a le sens de ces mots-là, le sens de la ilaha illallah. Donc ça profite deux choses. Premièrement, ça nous montre le sens de la ilaha illallah. Et deuxièmement, ça nous montre que ce qui est voulu par ces mots-là, encore une fois, ce n'est pas simplement le fait de la prononcer, mais c'est d'en comprendre le sens et de la mettre en pratique en adorant Allah seul et en rejetant toute autre divinité adorée en dehors d'Allah. C'est ça que ça nous montre. Et ici, c'est la même chose. Ici, c'est la même chose puisque dans le hadith qui est rapporté dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé les mots, donc al-alfaz, kalimat al-ikhlas, la ilaha illallah, min qal la ilaha illallah. Dans la riwaya de l'imam Ahmed, rahimahullah, il dit, man wahad Allah, wa kafara bima yu'abada min dunillah. Donc là, on retrouve le sens de la ilaha illallah, comme on avait dit, mutabaqatan. C'est-à-dire, on retrouve son sens complet dans ce hadith-là. Donc, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prononcé les deux hadiths? On avait dit que dans le hadith de Mu'adh, c'est peu probable, vu que le hadith de Mu'adh, il a une histoire. C'est lorsque, comme c'est cité dans le hadith, lorsqu'il l'a envoyé au Yémen, etc. Donc ça s'est passé qu'une fois. Donc on avait dit qu'il est peu probable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ait dit les deux hadiths. Il a dit une fois, et qu'il a dit une autre fois, il a dit l'un ou l'autre, et ce qui est le plus probable, c'est qu'il a dit la ilaha illallah. Parce que c'est ce qu'on retrouve dans les autres textes. Généralement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilisait les mots de Kalimat al-Ikhlas et l'Alfaz parce que son sens était bien connu par les Arabes, par les gens qu'il a appelés à l'islam, du moins en premier, dans les premiers temps. Les purs Arabes comprenaient très bien le sens de ces mots-là. Mais on a dit qu'il y a des rapporteurs qui ont rapporté le hadith par son sens et qui ont donc utilisé ces mots-là, il-an-wahidullah, donc le sens de la ilaha illallah. Et donc quand on rassemble ces riwayas, ça nous montre clairement le sens de la ilaha illallah. Et ça nous montre que ce qui est voulu par ces mots-là, c'est son sens. Ici, c'est pareil. Dans la riwaya de l'imam Ahmed, il rapporte le hadith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ou du moins c'est le sens de la parole qu'il a prononcée, Man wahad Allah wa kafara bima yu'abada min dunillah. Donc, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit les deux hadiths, ou encore une fois, certains rapporteurs ont rapporté le hadith, donc on trouve dans Sahih Muslim par son sens. Donc, man wahad Allah, on retrouve encore le tawhid. Allahu alam, c'est possible, les deux choses sont possibles, mais bon, ça change rien par rapport au sens, et que les rapporteurs, comme c'est connu dans l'ilm du hadith, il est permis de rapporter un hadith par son sens, même si les ulémas y mettent des conditions, évidemment, il faut que ce soit quelqu'un qui connaisse la langue arabe, etc. Mais il est permis de rapporter un hadith par son sens, et c'est ce que certains rapporteurs ont fait dans ces hadiths-là. C'est pour ça qu'il dit, ورواه أحمد باللفظ من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله. نعم. Et c'est pour ça, derrière, il dit, et ceci est l'explication, فَهَذَا يُفَسِّرُ لَا إِلَهَا إِلَى اللَّهِ. Ceci explique le sens donc de لَا إِلَهَا إِلَى اللَّهِ. Ensuite, il dit, فَعَلَّقَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عِسْمَةَ الْمَالِ وَالدَّمِ فِي هَذَا الْحَدِيثَ بِأَمْرَيْنِ. الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما قد قيد ذلك في قولها في غير ما حديث. فإن من قالها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وجود النفاق لا يقولها إلا عن صدق وعمل بها وعلم بما دلت عليه من النفي والإثبات. والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، بل لابد من قولها والعمل بها والبراءة مما ينافيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة الدم بالأمرين جميعا، قولها عن علم ويقين والكفر بما يعبد من دون الله، ففيه أنه لا يحرم ماله والدم إلا إذا قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فإن قالها ولم يكفر بما يعبد من دون الله لم يأتي بما يعصم ماله ودمه. وفيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a conditionné la protection du sang et des biens par deux choses dans ce hadith. La première chose, c'est justement la parole de la ilaha illallah, prononcée par celui qui la prononce avec science et avec certitude, comme on l'a vu dans les chapitres précédents. Où on retrouve dans la grande majorité de ces hadiths, ils sont tous dans le Sahihain, dans le Bukhari Muslim, que cette shahada, elle est toujours conditionnée par des conditions telles que la science, comme dans le hadith de Uthman ibn Affan, radiallahu an, où il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith est dans le Sahih Muslim aussi, on a vu, Man mata wa huwa ya'alamu annahu la ilaha illallah, dakhala al jannah. Man mata wa huwa ya'alam. Donc en étant savant de son sens, celui qui meurt en étant savant de son sens. Et on retrouve toutes les autres conditions dans le même type de hadith. On avait vu aussi que ça rentre directement dans le sens du mot shahada, dans le hadith de Ubad ibn Samit, qu'on avait lu dans le deuxième chapitre. Man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. On avait vu que les ulama, comment ils expliquent d'une manière globale dans la langue arabe et comment les salafs ont expliqué le sens de man shahida al-shahada, qu'il n'y a pas de shahada sans science, qu'il n'y a pas de shahada sans yaqin, qu'il n'y a pas de shahada sans sidq, etc. Toutes les conditions de la ilaha illallah, on les trouve déjà dans le sens du mot shahida ou shahada shahida. On retrouve ces conditions-là dans le mot en lui-même, dans son sens linguistique et dans l'explication qu'ont donné les sélèves, en se basant sur la langue arabe. Et on retrouve ces conditions-là donc dans les hadiths qu'on a cités, et celui-là aussi en particulier. Donc ici, il dit qu'il a conditionné la protection du sang et des biens, ou des biens et du sang, à deux choses. Premièrement, à donc ces mots-là, la ilaha illallah, et si on prend la riwaya de l'imam Ahmed, c'est l'adoration d'Allah. An yuwahidullah, l'adoration d'Allah seul. An yuwahidullah wa kafara bima yu'abad min dunillah. Donc an yuwahidullah, l'ibadatullah, ça revient à tous les versets qu'on a déjà cités qui expliquent le sens de la ilaha illallah. An yu'abudullah wa jitanibu ta'ghut. أن يعبدوا الله أن يوحدوا الله يعني أن يعبدوا الله كيف زادوا الله سل et qu'il s'écarte de l'adoration du Tarout, Wakafara, qui est le sens de Wakafara, bima yu'abadu min dunillah. Donc on retrouve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, ce qu'on a cité dans tous les versets qui expliquent, où Allah jalla wa ala, il a expliqué le sens de cette shahada-là. Il rajoute que, comme on l'a dit avant, et c'est ce qui montre que le plus probablement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ces hadiths-là, il a cité les mots de la shahada. Donc dans ce hadith-là, comme c'est rapporté dans la riwayat de l'imam Muslim, il a dit: Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bada min dunillah. Et il est plus probable qu'il ait dit ça, pourquoi? Parce qu'à son époque, à lui, déjà les gens, c'est des purs arabes, donc ils n'ont pas besoin d'explication sur le sens de cette shahada. Ils savent ce que c'est l'ilah, savent que c'est le ma'boud, le ma'alouh, et ils connaissent, ils savent ce que c'est la nafiyatun lil jinsi, c'est-à-dire le fait de tout rejeter. De rejeter le djinns, c'est-à-dire toute forme de choses adorées en dehors d'Allah Jalla wa'ala. Ils connaissent bien ça, connaissent bien le sens, ils n'ont pas besoin d'explication. Donc, il dit que ceux qui la disaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils la disaient donc avec science et avec certitude, et c'était aussi avant l'époque du nifaq. Comme ça s'est passé à Médine. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, comme l'indique la fin du hadith, ce qui nous concerne à nous, les musulmans, c'est vraiment de considérer les autres selon leurs apparences. C'est pour ça qu'à la fin du hadith, il dit wa hisabuhu ala Allahi azza wa jal. Wa hisabuhu ala Allahi azza wa jal. Et son compte, son jugement, il appartient à Allah. Nous, dans la dunya, on juge les gens sur ce qu'ils montrent. Sur les apparences. Et deuxièmement, donc on a dit là, il a conditionné la protection des biens et du sang, donc en premier lieu, sur l'adoration d'Allah seul, sur le fait de prononcer ces mots-là déjà. Donc ce qui montre que aussi, comme on l'a dit plusieurs fois, le fait de la prononcer, c'est une condition de la validité de la foi. Et même ceux qui ont sorti la parole de l'Iman, qawlul lisan de l'Iman, comme certains égarés, comme le Jahmiya, qui disent que la foi, ça ne se passe que dans le cœur, ils ont même sorti la parole de la langue, ils disent quand même que pour appliquer les ahkams du musulman, les statuts des musulmans, les muamalat, les comportements qu'on a avec le pour juger de l'islam d'une personne dans la dunya, il faut qu'elle prononce les kalimat al-ikhlas, la ilaha illallah. Sinon, on ne peut pas dans la dunya la considérer comme musulmane et donc appliquer les statuts, les ahkams du musulman sur lui dans la dunya, mais il ne conditionne pas ça dans l'akhirah, c'est-à-dire quelqu'un qui meurt sans l'avoir dite alors qu'il était capable de la dire, il peut être musulman pour eux et faire partie des gens sauvés, yawm al-qiyamah. Or ça conseille que ça contredit la parole de la sunna wal jama'a, puisque le fait de prononcer la ilaha illallah, ça constitue une condition de la validité de la base de la foi. Quelqu'un qui peut la prononcer et qui ne la prononce pas, il est kafir bil-ijma', ijma' al-sunna wal jama'a. Comme le rapporte Ibn Taymiyyah rahimahullah. La deuxième chose, donc, c'est le fait de rejeter ou de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on l'a dit, maintes et maintes fois aussi, rentre en premier lieu dans le kufr, le kufr bima yu'abadu min dunillah ou at-tagut. C'est que parmi les salafs, comme l'imam Malik, lui l'a expliqué, il a dit At-Tarut kullu ma'ubida min dunillah. Donc c'est le mot qu'on retrouve dans ce hadith-là. Wa kafara bima yu'abadu min dunillah. Yani kafara bit-Tarut. Man amana billah wa kafara bit-Tarut. Comme il le dit à la fin du paragraphe, c'est ce qu'on retrouve dans le sens de Faman yakfur bit-Tarut wa yu'min billah. Dans ce hadith, dans ce verset-là, ou dans Wa laqad ba'athna, le verset. Ou dans beaucoup de versets du Coran, comme on les a déjà cités. Et donc, ce qui rentre aussi en premier lieu, ce qui est clairement énoncé dans le livre d'Allah, c'est que la première chose qui rentre dans le kufr bit taghout, c'est quoi? C'est le délaissement du shirk, le fait de s'écarter du shirk. Allah Jalla wa Ala, il dit: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ كَيْفَ. Allah Jalla wa Ala dit dans un autre verset: وَالَّذِينَ جَتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا. Ceux qui s'écartent du taghout et en ne les adorant point, en s'écartant de leur adoration. Ça, c'est ce qui rentre en premier lieu dans le kufr bit taghout. Ce qui nous ramène à quoi? Un instant, s'il vous plaît. Non. Donc, on a dit la première chose qui rentre dans la mécroyance au taghout, le délaissement du shirk. Et donc, que ce soit par la croyance, ou par la parole, ou les actes. Et donc, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à ce qui nous intéresse, surtout au jour d'aujourd'hui, à répondre à ceux qui prétendent que le fait de dire La ilaha illallah, ça fait d'une personne un musulman, mais mutlaqan. Quel que soit ce qu'il dit ou ce qu'il fait. C'est pour ça qu'on trouve des gens qui disent La ilaha illallah, qui commettent des sortes de shirk akbar clairs, sur lesquels les savants sont unanimes, quant au fait d'être du shirk. Et il faut continuer à les juger musulmans. Et le fait de les excommunier, c'est-à-dire de dire qu'ils sont sortis de l'islam et qu'ils sont devenus murtaddin au kuffar, ça c'est le madhhab de l'Khawarij. Madhab de l'Mu'tazila ou de l'Khawarij, plutôt de l'Khawarij, qui font sortir de la foi qui font sortir les musulmans de l'iman, qui jugent de la mécréance des musulmans. Donc ça c'est la grande da'wa qu'il y a aujourd'hui. Et c'est vraiment étonnant d'entendre ces choses-là quand on lit ce genre de hadith, et aussi quand on trouve dans les livres de l'Fuqaha, de tous les madhahib, depuis les salaf jusqu'aux mutaakhirin des madhahib, on trouve que dans leurs livres, ils ont consacré un chapitre qui s'intitule Bab ou Kitab Hukm al-Murtad, ou Bab al-Murtad, donc le chapitre de l'apostat. Et qu'ils ont cité un tas de paroles et un tas d'actes qui font sortir la personne de l'islam et qui font qu'elle devienne murtad, et où ils ont cité les jugements, les statuts, les choses qui sont appliquées à cette personne-là. La première chose qu'ils citent dans ces chapitres-là, dans tous les madhahib, c'est le shirk akbar. Et jamais ils conditionnent ces ulama-là, pour prendre n'importe quel madhhab, et jamais ils conditionnent la science ou quelques conditions que ce serait concernant le shirk al-akbar. Le shirk akbar, il le considère comme un annulant de l'islam et donc par lequel la personne devient kafir. Et il cite des exemples de paroles et d'actes qui font sortir de l'islam. Mais en premier lieu, il cite toujours le shirk et sans conditionner le shirk. Par exemple, quand ils vont citer le fait de rejeter des choses qui sont connues par nécessité dans la religion, comme l'obligation des 5 prières par jour, ils vont conditionner. Ils vont dire, à part si c'est quelqu'un qui ne sait pas parce que c'est quelqu'un qui vient juste de rentrer en islam, ou quelqu'un qui vit loin des musulmans, où il n'y a pas de science propagée, etc. Donc là, ils mettent des conditions sur ces choses-là, sur le fara'id, sur les 4 piliers et sur les 4 piliers, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, on s'entend, et sur d'autres choses, sur le muharramat, le ma'lum min ad-din bid-darura, comme l'interdiction de zina, de riba, etc. Des choses qui sont connues par tout le monde, mais quelqu'un qui vient de rentrer en islam, qui ne peut pas connaître la législation directement, il vient de rentrer en islam, ou quelqu'un qui vit loin de la science, celui-là, on va conditionner la science. Et s'il ne sait pas, on va lui apprendre. S'il continue à rejeter après avoir su, là, son hokm, il est autre. Mais concernant le shirk, il conditionne jamais ça. Il conditionne pas la science, il conditionne strictement rien. Il conditionne simplement que la personne, elle soit mukallaf. À partir du moment où elle est mukallaf, c'est-à-dire baligh aqil, qu'elle est baligha, elle est pubère, et aqil, qu'elle n'est pas folle, c'est quelqu'un qui a son aql, khlas, le hokm, il s'applique sur lui. Dans la dunya et dans l'akhirah. Et on voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il a attaché la protection du sang et des biens à ces deux choses-là. Il n'y a rien dans la charia qui montre que la science soit conditionnée et que celui qui commet du shirk akbar en étant ignorant, on va continuer à juger de son islam. Parce que ça, c'est pas vous cacher que c'est la grande da'wa d'aujourd'hui et que n'importe qui excommunie quelqu'un qui dit la ilaha illallah, il est considéré comme khariji, takfiri, irhabi, ilakhiri, parmi les noms qu'on leur donne. Donc ici, il dit la deuxième chose à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a attaché donc la protection des biens et du sang. Et là, ça montre quoi? Encore une fois, on l'avait déjà dit, ça montre que lorsque le sang est halal, ça veut pas forcément, ça n'indique pas forcément la mécréance. On sait que deux fois, le sang du musulman, il peut devenir halal s'il a tué quelqu'un sans droit, volontairement ou pour d'autres choses. Ou s'il a commis par exemple l'adultère en étant marié, on sait que le had, c'est qu'il soit lapidé à mort, etc. Mais quand les biens deviennent halal, quand les biens sont halal, là ça indique clairement que la personne, ce qui rend son sang halal, le fait qu'il y ait les biens aussi qu'ils soient halal, ça montre clairement que la personne, elle, son sang devient halal parce qu'il est sorti de l'islam. Donc il est murtad. Ça, c'est les jugements de l'apostat. Il est sorti de l'islam, donc c'est un autre sujet. Et donc, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas simplement attaché la protection des biens et du sang au fait de prononcer ces mots-là, comme c'est la croyance clairement aujourd'hui. Mais il est indispensable que la personne ajoute à ceci le fait d'œuvrer par cette shahada. D'œuvrer comment? D'adorer Allah, Jalla wa Ala seul. Déjà d'en connaître son sens. Puis d'adorer Allah seul. Conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de rejeter le shirk. De s'écarter du shirk par le cœur, la parole et les actes. Déjà par la croyance. En croyant qu'Allah, Jalla wa Ala seul, mérite l'adoration. Par le cœur, en vouant les actes du cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, ça évidemment c'est quelque chose qui est entre le serviteur et entre Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne concerne pas l'ibad, ça ne nous concerne pas nous, puisque personne ne connaît l'état des cœurs en dehors d'Allah. Mais nous, ce qui nous intéresse, du moins concernant ou de la manière dont on va juger les gens, c'est les paroles et les actes. C'est pour ça que les ulama, dans les fameux livres de fiqh qu'on a cités avant, et dans le fameux chapitre du murtad, les ulémas, en général, des fois, ça leur arrive de citer certaines choses du cœur, comme le shak, le doute, etc. Mais globalement, dans le fiqh, ils s'intéressent aux actes, aux paroles et aux actes. Et c'est ça qui nous est ce qu'on appelle sebeb al-kufr. Ce qu'on appelle sebeb ou esbeb al-kufr. Ils citent des causes par lesquelles la personne devient murtad, devient apostat. Et donc, après avoir connu son sens, ça ne suffit pas. Quelqu'un, il peut la dire, connaît son sens, mais commettre quelque chose qui la contredit dans sa base. Un annulant parce qu'on l'appelle naqid min nawaqid l'islam. Un annulant parmi les annulants de l'islam. Et en premier lieu, rentre encore une fois en premier lieu là-dedans le shirk. Et ensuite, le fait d'être al-bara'a mimma yunafiha, le fait de s'écarter et d'être exempt, d'être pur de ce qui va contredire cette shahada, du moins dans sa base ici. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lié la protection du sang, et on peut rajouter des biens, à ces deux choses-là. Et donc on comprend quoi? Man qala la ilaha illallah وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. Ça, on sait que dans la langue arabe, on appelle ça comment? Jumlatun shartiya. Jumlatun shartiya. Bon, c'est une phrase nominale ici, mais on appelle ça Jumlatun shartiya. Man ici, man, on l'appelle ismu shart. Ismu shart. Et ensuite, on a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité deux conditions. Première, qala la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah. Donc, première condition. Deuxième condition, wa kafara bima yu'bad min dunillah. Et ensuite, on a ce qu'on appelle jawab shart. Jawab shart, c'est-à-dire, on a le fruit ou la récompense de celui qui a réalisé ces deux conditions-là. Quelle est-elle? Haruma maluhu wa damu. Haruma maluhu wa damu. Donc, son sang et ses biens sont protégés. Donc, men ismu shart, il introduit la condition ou deux conditions ici, puisqu'on a le waou. Le waou atifa. On a deux choses. On a la première condition, qala la ilaha illallah. La deuxième, kafara bima yu'bad min dunillah, liée par le waou. Le waou. Le waou, il montre quoi? Il faut que les deux conditions soient réalisées ensemble. Il peut pas y avoir l'un ou l'autre. Il faut que les deux conditions soient réalisées ensemble. Et à ce moment-là, la personne peut jouir de la récompense qui est quoi? Qui est de Haruma Maluhu wa Damu. Alors son sang et ses biens sont protégés. Il y a la compréhension par l'inverse qu'on appelle le Mafhoum al-Mukhalafa, ce que les ulama ils appellent le Mafhoum al-Shart, c'est que si ces conditions-là ne sont pas réalisées, alors la récompense n'est pas non plus. N'est pas non plus acquise. C'est-à-dire que celui qui ne dit pas La ilaha illallah, qui n'adore pas Allah Jalla wa Ala seul, et qui ne rejette pas toute adoration et toute divinité adorée en dehors d'Allah Jalla wa Ala, son sang et ses biens ne sont pas protégés. C'est ça le sens de mafhoum al-shart ou mafhoum al-mukhalafa, la compréhension par l'inverse. Et c'est les deux conditions qu'on retrouve donc dans le verset de Surat al-Baqarah, Faman yakfur bit taghut wa yu'min billah. Comme à l'unanimité des gens du tafsir, des mufassirun, al-urwat al-wuthqa, donc cette anse-là, la plus solide, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. En d'autres termes, donc ça fait partie évidemment des versets qui expliquent de manière claire le sens de cette shahada aussi, c'est que al-urwat al-wuthqa, qui est la ilaha illallah, ne la saisit que celui qui réalise ces deux conditions-là qu'on retrouve dans ce hadith-là. Donc l'adoration d'Allah seul, man qala la ilaha illallah, dans la riwaya de l'imam Ahmed, man wahad Allah, wa kafara bima yu'bad min dunillah, ou en d'autres mots, wa kafara bi taghut. Il continue en disant, qala al-musannifu, وهذا من أعظم ما يبين لك معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل تلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله والدم حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو تردد لم يحرم ماله والدم فيا فيا ولا فيا فيا لها من مسألة ما أجلها وأعظمها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع وهذا هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله فليصح قولها بدون هذه الخمسة التي ذكر أصلا قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن أبوا عن ذلك أو بعده قتلوا إجماعا بل أجمعوا على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. Donc le cheikh Mohammed rahimahullah il dit dans le Masail, donc dans son kitab Tawhid, dans les annotations qu'il met à la fin des chapitres, il dit et ceci est on va dire le dalil le plus clair et le plus important qui montre le hadith qu'on a cité, donc le hadith de Sahih Muslim, est la preuve, on va dire, la plus probante concernant le sens de la ilaha illallah. C'est le texte le plus clair qui montre le sens de la ilaha illallah, même s'il y en a d'autres, on en a vu d'autres. Et on voit que le simple fait de la prononcer, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas mis le simple fait de la prononcer comme étant comme suffisant pour protéger le sang et les biens, ni le fait de connaître son sens, ni le fait de le dire à voix haute, de déclarer que c'est une vérité, ni simplement le fait d'invoquer Allah Jalla wa Ala seul. Donc l'adoration d'Allah Jalla wa Ala, ce qui veut dire ici Wallahu Alam, c'est le fait d'adorer Allah, ça ne suffit pas. Là, on vise les gens qui, lui, il vise en son temps, surtout les Qaburiyyin, les adorateurs de tombes, mais globalement, n'importe qui commet du shirk. En général, le mushrik, comme on a dit, il s'appelle mushrik parce qu'il adore Allah Azzawajal, mais qu'il adore un autre qu'Allah. Donc, sur l'adoration, l'ibadat qu'il fait, sa salat, son jeûne, son hajj, ses sadaqat, etc., ça ne lui suffit pas, même en prononçant ces mots-là et en faisant des actes. Ça qui veut dire, en faisant des actes, en rajoutant des actes. C'est-à-dire, on a celui qui l'a dit et qui espère être sauvé simplement par les mots, mais on a celui aussi qui l'a dit et qui ajoute là-dessus des paroles de la langue, comme le qira'at al-Qur'an, et des actes des membres. Mais ça ne lui suffit pas. Ça ne lui suffit pas jusqu'à qu'il ajoute à ceci le fait de mais croire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. S'il doute concernant son sens ou concernant que ceci est la vérité, il dit alors son sang et ses biens ne sont pas protégés. Comme on l'a dit, ce qu'on appelle mafhoum al-mukhalafa, la compréhension par l'inverse du texte. Ce qu'on appelle mafhoum al-usuli, nous appelons ça mafhoum al-shart. Il dit. Et quel immense et quel important sujet. Quel immense et quel important sujet. Et quelle preuve claire que ce hadith-là pour expliquer le sens de cette shahada. Quelle preuve claire et tranchante que ce hadith-là. Clairement, ce hadith. C'est une réponse tranchante à la da'wa propagée aujourd'hui de celui qui dit la ilaha illallah, qui protège son bien et ses biens et son sang par cette shahada. En plus, il commet, comme on l'a dit, il fait des actes d'adoration, mais avec ceci, il donne l'adoration à un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Clairement, ça constitue le texte, comme le shir il dit, le plus clair et le plus tranchant pour répondre à ces gens-là. En même temps, ça montre le sens de la ilaha illallah, et en même temps, ça répond à ceux qui prétendent l'inverse, ceux qui prétendent que la parole suffit. Et donc, el kufr bima yu'bad min dunillah, el kufr bit-taghut, ça, ceci est la condition qui rend valide la parole de la ilaha illallah. Encore une fois, non. Et donc il dit que la prononciation de cette parole-là n'est valide que si la personne ajoute les cinq choses qu'on a citées là précédemment. Donc il a cité en premier le fait de la prononcer, puis connaître son sens, puis le fait de la déclarer. Le fait de dire quand il dit walal iqrar bidhalik, wallahu alam, ici il vise pas simplement talaffuz. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui montre qu'il connaît le sens. Yani al-iqrar bidhalik, yani al-iqrar bil-ma'na. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui prononce les mots, al-alfaz. C'est quelqu'un qui connaît son sens, donc ça c'est le ma'rifa, ça se passe dans le cœur, la connaissance. Et c'est quelqu'un, quand il dit al-iqraru bidhalik, yani al-iqrara bil-ma'na. C'est quelqu'un qui montre par la bouche, qui dit par la bouche qu'il connaît son sens. Quelqu'un dit, c'est le kufr bit-taghut, l'iman billah, et l'akhiri. Et en quatrième, le fait qu'il adore Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il voue l'adoration, le culte à Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais ça ne suffit, ceci ne suffit que si il ajoute en plus de ceci le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et le rejet de toute autre adoration. Celui qui adore un autre qu'Allah et qui adore Allah et un autre qu'Allah, c'est la réalité du shirk. Fala taj'alou lillahi andadan wa antum ta'lamoun. Ouais, comme on l'avait vu dans le verset précédent, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ils aimaient Allah Jalla wa Ala, mais ils ont aimé leur divinité. Comme les musulmans ont aimé Allah Azza wa Jal, ils ont aimé leur divinité ou ils ont aimé leur divinité comme on aime Allah, c'est-à-dire comme on l'a vu par un amour de glorification et d'adoration et de soumission. Et Allah Jalla wa Ala, il dit, il montre Allah subhanahu wa ta'ala que le combat il est prescrit tant que les gens ne délaissent pas le shirk et de combattre-les. Jusqu'à qu'il n'y ait plus de fitna. La fitna ici, ce qui est voulu, c'est le shirk. Et que le dîn et les actes et l'adoration soient pour Allah seul. Et dans l'autre verset, combattez les mushrikines et tuez-les plutôt. Tuez les mushrikines où vous les, où, de, à, quelques endro à quel, quel endroit vous les trouviez. Et donc Allah Jalla wa Ala, il a ordonné leur combat jusqu'à ce qu'ils se repentent du shirk. Qu'ils accomplissent la salat et qu'ils s'acquittent de la zakat. S'ils refusent ceci, alors ils sont combattus à l'unanimité. Même si on avait dit que concernant le combat sur la zakat, il y a un khilaf entre les ulama. Et clairement, il n'y a pas de khilaf entre les ulama sur la shahada, il n'y a pas de khilaf chez les compagnons sur la salat. Mais sur la zakat, on a vu que, y a certains ulama qui ont considéré, par exemple, le combat ou le combat de Abu Bakr sur, sur ce qu'on appelait mani az-zakat, ceux qui n'ont pas voulu payer la zakat. Il y a certains ulama qui considèrent que ce combat-là, le fait qu'il n'ait pas payé la zakat, ça ne constituait pas en lui-même une mécréance, mais que le combat est prescrit. Il faut les combattre jusqu'à qu'ils la payent. Jusqu'à qu'ils s'acquittent de la zakat. Il y a un khilaf entre les ulama. Le muhim, ici, ce qui nous intéresse, c'est la partie surtout sur le shirk. Et donc, ils ont été aussi unanimes sur le fait que celui qui dit la ilaha illallah, sans en croire son sens. Alors là, ici, on peut dire que ça, c'est quelque chose que nous, on ne peut pas connaître. Mais en général, quelqu'un qui commet du shirk, soit c'est quelqu'un, comme on le verra plus tard, Inch'Allah, soit c'est quelqu'un qui ne connaît pas le sens de la ilaha illallah, globalement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pense que l'islam peut être réalisé avec le shirk. Ça, c'est une partie des gens aujourd'hui. On retrouve deux catégories de gens. On retrouve les gens qui disent que l'islam peut être réalisé avec, alors qu'on trouve avec le shirk akbar. Donc des gens qui disent que l'islam, la base de l'islam et le shirk akbar peuvent se rassembler chez une seule et même personne. Et on a d'autres personnes qui vont dire que certains actes ou certaines paroles d'adoration ne sont pas de l'adoration. Donc c'est des gens qui disent que la ilaha illallah, c'est l'adoration d'Allah seul et le rejet du shirk, mais qui vont dire par exemple que le tahakkum ila taghout, c'est pas du shirk akbar. Et donc celui qui le commet, il ne sort forcément, il ne sort pas de l'islam, puisque c'est quelqu'un qui n'a pas commis quelque chose qui sort de l'islam. Ça, on va dire que c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'adoration et qui rejette les textes du Coran, même si à la base il connaît globalement le sens de la ilaha illallah, que c'est l'adoration d'Allah seul, le kufr bit-taghut, mais c'est quelqu'un qui rejette des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a énoncées dans son livre comme étant de l'adoration, ou comme étant faisant partie de la base de la foi. Donc ça, c'est une autre catégorie de gens, on retrouve les deux catégories. Donc quand il dit évidemment ça c'est quelque chose qui ne se voit pas, mais en général celui qui ne connaît pas son sens c'est quelqu'un qui va commettre des shirkiyat. Il dit et qui n'œuvre pas conformément à ce que cette shahada indique, c'est-à-dire le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, encore une fois le fait de ne pas adorer Allah. Le fait de ne pas se prosterner pour Allah, le fait de ne pas invoquer Allah, le fait de rien faire, ça constitue une mécréance. Puisque La shahada, encore une fois, là, un ithbat, une affirmation qui est l'adoration d'Allah seul. C'est pour ça que Allah Jalla dit, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin, première chose, an ya'budu Allah. Pour adorer Allah, wajtanibu at-taghut, et rejeter toute autre adoration en dehors de celle d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il faut adorer Allah. Et comme on l'a déjà dit, à l'unanimité des salafs ou des sahaba, qu'elle rentre là-dedans de manière catégorique la salat. L'abandon de la salat, donc concernant l'adoration des membres, l'abandon de la salat constitue l'annulation, on va dire, de ce pilier-là. Et que donc, on combat les gens jusqu'à qu'ils, simplement, pas qu'ils la disent, mais simplement, mais qu'ils pratiquent ce que cette shahada, elle signifie. Bien qu'à l'unanimité des savants, une personne rentre en islam en prononçant les mots de la shahada. Et que si derrière, elle commet un annulant de l'islam, elle commet... C'est-à-dire, elle va faire quelque chose qui contredit le sens de cette shahada. C'est ça ce qu'il veut dire ici par Ya'mal bimuqtadaha. Il y a l'afd, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ça, quasiment à l'unanimité du fuqaha. Le fuqaha, il juge de l'islam, ce qu'on appelle l'islam al-hukmi, par la prononciation des mots. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Si par la suite la personne elle n'œuvre pas, c'est-à-dire en conformément au sens de cette shahada, en adorant Allah subhanahu wa ta'ala seul et en rejetant toute forme de shirk, cette personne-là elle devient murtad, pas kafir asli. Kafir asli, c'est faux, ça contredit la parole de quasiment l'ijma' de tout le fuqaha. Il dit fi sahihayn. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وفي رواية ويؤمنوا بي وبما جئت به رواه مسلم فلا بد من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فأيما طائفة امتنعت عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة فإنه يجب قتالها كما قاتل أبو بكر منع الزكاة واتفق عليه الصحابة والفقهاء ويكفي المنصف ما ذكره العلماء من كل مذهب في باب حكم المرتد فإنهم ذكروا فيه أشياء كثيرة يكفر بها الإنسان. Donc dans les deux sahih, dans le Bukhari et Muslim, prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai été ordonné, donc de la part d'Allah jalla wa ala, de combattre les gens jusqu'à qu'ils témoignent de la ilaha illallah et que Muhammad est le messager d'Allah, qu'ils accomplissent la salat et qu'ils donnent la zakat, qu'ils s'acquittent de la zakat. S'ils font ceci, ils ont protégé de moi leur sang et leur bien, si ce n'est illa bihaqqiha, mis à part le droit de la ilaha illallah. C'est-à-dire que celui qui prononce ces mots-là, il a protégé son sang et ses biens, à part s'il contredit les droits de la ilaha illallah. Comme le paiement de la zakat. On sait que Abu Bakr, radiallahu an, il a combattu ceux qui ont délaissé la zakat avec cet argument-là. C'est qu'il y a le niqash connu avec Omar ibn al-Khattab, radiallahu an. Omar s'est étonné dans un premier temps que Abu Bakr, il veuille combattre des gens alors qu'ils disent la ilaha illallah. Et qui n'avait pas fait de shirk dans le sens où il n'avait pas donné un associé à Allah, Jalla wa ala, dans l'adoration ou autre. Mais ils ont refusé de payer la zakat. Et Abu Bakr, il a utilisé ce hadith-là. La partie du hadith où il a dit, illa bi haqqiha wa zakat haqqul mal. à part par son droit, donc celui qui contredit son droit, le droit de la ilaha illallah, il est combattu, et parmi ces droits-là, il y a le droit de l'argent, la zakat. Ça rentre dans les droits de la ilaha illallah, comme la salat et comme d'autres choses. Et donc, il y a aussi la version, donc dans Sahih Muslim, il dit, le prophète sallam, il a dit, wa yu'minu bi wa bima ji'tu bi. Et jusqu'à qu'il croit en moi et ce avec quoi je suis venu, on a dit que fait partie donc de la base de la foi, ce qu'on appelle el-iman el-mujmal, c'est-à-dire le fait d'accepter toute la charia, d'accepter d'une manière en globalité, même si on n'en connaît pas les détails, toute la charia, tout ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. On doit accepter de s'y soumettre. On doit accepter l'ahkam, on doit accepter de s'y soumettre. À chaque fois que quelque chose nous vient de manière détaillée de la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'accepte et on accepte de s'y soumettre. Ça fait partie des piliers de la foi et des piliers du sens de Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah, ça veut dire que c'est l'envoyé d'Allah et ça veut dire qu'on accepte sa charia du début à la fin. Et qu'on accepte de s'y soumettre. Et que celui, le serviteur qui commet un péché, il commet un péché, lorsqu'il commet un péché, c'est pas par refus de soumission, c'est par hawa, par le fait de suivre ses passions, ou par une faiblesse qui va contredire l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui qui rejette quelque chose avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ne l'acceptant pas et en n'acceptant pas de s'y soumettre, ça constitue du kufr akbar. Ça rentre dans Muhammad Rasulullah et ça rentre aussi dans la ilaha illallah. Comme on l'avait dit, la condition de l'inqiyad, le fait de se soumettre à la législation d'Allah, c'est ce de se soumettre à la législation du dernier des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla dit: "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuk. La yu'minuna hatta yuhakkimuk fima shajara baynahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt." Et qu'ils ne trouvent pas de gêne dans ce quoi tu as jugé, décidé, dans ta législation. Donc, n'importe qui rejette quelque chose de la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui refuse de s'y soumettre, ça constitue une mécréance en soi. Non. Donc ici il rapporte l'ijma dont on avait déjà parlé. Donc n'importe quel groupe, donc ça c'est à l'échelle du groupe. Donc ce qu'on appelle ta'ifat al-mumtani'a. Ça c'est un groupe qui a doté d'une certaine mana'a, d'une certaine force et qui refuse d'accomplir un acte parmi les actes de l'islam apparent. Comme par exemple le fait de faire l'adhan ou de prier l'jama'a. Prier de l'jama'a, c'est-à-dire de faire la salat al-jama'a. Ce n'est pas d'abandonner la salat, mais que chacun y prie dans son coin. De fait d'abandonner le jumu'a, des choses comme ça. Ça, à l'unanimité des savants, ces gens-là, ils sont combattus. Après, il y a des ulama qui voient qu'ils sont combattus, yani, pour avoir apostasié. Comme ça a été le cas concernant ceux qui ont refusé de payer la zakat, il y a des gens qui voient qu'à partir du moment où ils se sont mis tous d'accord pour pas payer la zakat, ils ont mécru à ce moment-là. Même s'ils considéraient que la zakat était obligatoire, le fait de ne pas vouloir la payer, de ne pas s'y soumettre, ça a constitué une mécréance à ce moment-là. Alors, Alam, c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah dans ce qu'il dit. Il y en a, ils ont dit, ils ont mécru uniquement lorsque Abu Bakr, il a voulu les combattre, et là, qu'ils ont sorti l'épée pour combattre aussi. Donc, là, ça montre vraiment le fait, on veut pas se soumettre à l'ordre d'Allah Azzawajal. Il y a un khilaf entre les ulama sur la zakat, sur ce qui s'est passé sur la zakat. Mais globalement, il n'y a pas de khilaf sur le fait qu'il soit combattu. Sur le combat, il n'y a pas de khilaf. Il y a un khilaf sur le kofr. C'est pour ça que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, ce qu'il n'a pas compris, c'est le fait qu'Abu Bakr, il veuille combattre ces gens-là alors qu'ils disent « La ilaha illallah » et conformément au hadith qu'on a cité. Sauf que Abu Bakr, lui, il a utilisé la dernière partie, le dernier mot du hadith, illa bihaqqiha, et que zakat, comme on a dit, c'est le droit de l'argent, c'est le droit, ça rentre dans les droits de la ilaha illallah, et donc qu'ils doivent être combattus pour ce droit-là. Ensuite, il revient sur ce qu'on a cité avant. Juste un instant. Non. Donc il dit ويكفي المنصفة ما ذكره العلماء من كل مذهب في باب حكم المرتد فإنهم ذكروا فيه أشياء كثيرة يكفر بها الإنسان. Et il suffit à quelqu'un qui est juste de regarder, comme on l'a dit avant, dans le chapitre que tous les fuqaha, que tous les savants de fiqh ont évoqué dans leur livre de fiqh, qui est le chapitre du jugement de l'apostat. Et donc, ils ont cité dans ce chapitre-là, ils ont cité des choses qui font sortir de l'islam, des paroles et des actes, en grand nombre, selon les livres, qui font sortir la personne de l'islam. Donc, clairement, là, dans tous ces nawaqid de l'islam que les ulémas, ils ont cités, clairement, ici, ils visent pas la personne qui rejette l'islam complètement, en général. Il vise une personne qui dit la ilaha illallah, qui fait même certains actes de l'islam, mais qui va dire une parole, qui va commettre un acte qui l'a fait sortir de l'islam, ce qu'on appelle naqid. Naqid, c'est-à-dire que ça annule. C'est-à-dire que cet acte-là ou cette parole-là ne peut pas se rassembler avec la base de l'islam, mais en premier lieu, comme on l'a dit, ils ont cité le shirk. Et ils ont cité le shirk et jamais ils ont conditionné, comme les mubtadi'a, les mushrikines d'aujourd'hui, conditionnent par exemple la science. Le fait que ces gens-là aient été ignorants et qu'ils soient excusés pour ceci. Pul dit al-kufr lughatan وكفر يعني الفعل كفر يكفر كفرا وكفرانا ضد آمن وسمي الكافر كافرا لأنه مغطى على قلبه وشرعا تكذيبه صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به donc ici il définit le kofr, donc le sens du kofr dans la langue arabe, lughatan dans la langue arabe. Le kufr, c'est le fait de recouvrir, de revêtir, de recouvrir quelque chose. Donc on dit kafara yakfuru, kufran, masdar kufran ou kufranan. On a deux masdar kufran ou kufranan. Il dit did amana, c'est l'inverse de amana. Wasumi al kafiru, kafiran li'annahu mughattan ala qalbihi. Et on dit que le kafr, donc le kafr dans la religion, il a été surnommé kafr, c'est-à-dire d'un point de vue du sens du kufr dans la langue arabe, parce que son cœur, c'est comme si son cœur, il a été recouvert. C'est-à-dire, il a été recouvert par le voile de la mécréance, et que l'iman ne peut plus y pénétrer. Il n'y a plus d'iman, et l'iman ne peut pas y pénétrer. Ou shar'an. Donc là, il dit quelque chose, en fait. Et ce qu'il dit, ce n'est pas la définition du kufr dans la charia, mais c'est une sorte de kufr dans la charia, le takdhib. Le takdhib, le fait de démentir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de dire ou une partie, quelque chose, soit complètement, dire qu'il n'est pas l'envoyé d'Allah, ou dire que quelque chose qui est thabit, donc quelque chose qui est clair sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelque chose qui est clair, qui fait clairement partie de sa législation, le fait de le démentir. Dire que ça c'est faux, c'est pas vrai ou quoi. Donc ça c'est une sorte de kufr, ce qu'on appelle le takdhib. Mais le takdhib, ça ne constitue pas la seule sorte de kufr, qu'on sait, du moins dans la compréhension de l'iman, de l'sunna ou al-jama'a. Puisqu'on a dit que ce qui contredit le takdhib, c'est quoi? C'est le tasdir. Le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout ce avec quoi il est venu, c'est vrai. Comme on l'a vu dans le hadith précédent, l'iman bi wa bima ji'tu bihi. L'iman bima bi, yani bi, yani bin nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa bima ji'tu bihi, yani bi shara, avec la législation. Est-ce que l'iman, c'est simplement le fait de croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est véridique? Est-ce que ça suffit? Chez Al-Sunnah wal-Jama'a, non. Mais ça, c'est la définition de l'iman chez qui? Chez le Murji'a, qui ont dit, ou même chez le Jahmiya, qui ont dit que l'iman, le fait, la connaissance, le fait, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé par Allah avec une législation, là, c'est bon, t'es mu'min. Tu peux faire ce que tu veux, dire ce que tu veux à côté, ça ne te fait pas sortir de l'islam. Et ça n'a même pas d'influence sur la foi. Quelqu'un, il peut être comme le Mourjahidis, Kamilul Iman, alors qu'il commet des grands péchés. Takdhib, c'est une sorte de kufr, mais ça ne constitue pas. Le kufr, ce n'est pas que ça. À partir du moment où on dit, comme le disent Al-Sunnah wal-Jama'a, que l'Iman, Qawl wa Amal, on dit aussi que Diddouhu, Al-Kufr, Qawl wa Amal. À partir du moment où l'Iman, la foi, c'est des paroles et des actes, le kufr, c'est aussi des paroles et des actes, qu'on peut mécroire par la parole ou par l'acte, comme on l'a dit avant. Donc le fait de dire simplement takdhib, c'est une sorte de kufr, mais ce n'est pas tout le kufr. Donc, wa hisabuhu ala Allahi azza wa jalla. La dernière partie du hadith est son jugement appartient à Allah. Il dit, ay Allah jalla wa ala, huwa alladhi yatawalla hisabahu, wa huwa al-muttali'u ala as-sara'ir. فإن كان صادقا جازه بجنات النعيم وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم أما في الدنيا فالحكم على الظاهر فمن أتى بالتوحيد والتزم الشرائع ظاهرا وجب الكف عنه حتى يتبين منهما يخالف ذلك. Donc Allah Jalla wa Ala, c'est lui qui se charge de ce que cette personne, de ce qui se charge de juger cette personne conformément à quoi? À sa croyance et à l'état de son cœur, ce qu'on appelle le batin. C'est lui qui détient la science de ce que cette personne-là, elle cache dans son cœur. Et c'est lui qui sait, est-ce que cette personne-là, c'était quelqu'un de véridique ou c'était un munafiq. Si c'était un véridique, Allah Jalla wa Ala le récompensera. Si c'était un munafiq, il le punira. Mais concernant la dunya, donc ça c'est quelque chose d'important puisque c'est quelque chose qui nous concerne nous, les gens on les juge selon leurs apparences. Quelqu'un qui vient avec le tawhid et qui pratique les rites de l'islam en apparence, c'est quelqu'un dont on a l'obligation donc dont on a l'obligation de préserver et son sang et ses biens, jusqu'à qu'il apparaisse de lui quelque chose qui contredit ça. Et donc, il termine le chapitre, le shir, en disant « وَشَرَحُوا هَذِي التَّرَجَمَةِ مَا بَعْدَهُمْ مِنَ الْأَبْوَابِ ». C'est-à-dire que l'explication de ce chapitre-là, ou de ce tarjama, c'est-à-dire le sens de la tafsir « la ilaha illallah »,« tafsir al-tawhid »,« wa shahadati an la ilaha illallah », le sens du tawhid et de cette shahada, c'est tous les chapitres qui vont suivre dans le livre à partir de ce chapitre-là. Tous les chapitres qui vont suivre jusqu'à la fin sont une explication de la ilaha illallah. Donc comment il dit wa tarajamatul kitab fatihatuhu wa sharahuha tafsiruha wa tabyinuha wa tawdihu ma'naha wa dhalika anna ma ba'daha fihi ma yubayyinu at-tawhid wa yuwaddihu ma'na la ilaha illallah وفيه بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر أما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع وتنزيه الرب تعالى عما يليق بجلاله. وقد جمع رحمه الله تعالى في هذا الكتاب على اختصاره من بيان التوحيد ما لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق وما لا يعذر أحد عن معرفته فمن استحضره استغنى من غيره في بيان التوحيد والرد على كل مبتدع. نعم إذن comme on l'a dit, tous les chapitres qui vont suivre vont constituer une explication de la ilaha illallah, vont éclaircir son sens, puisque le shirk va citer beaucoup de sortes de shirk, que ce soit du shirk akbar, donc qui contredit la base de l'iman, la base de cette shahada, soit des sortes de shirk asghar qui contredit donc ce qu'on appelle l'iman al-wajib, la foi obligatoire, et donc qui vont diminuer, tronquer ce tawhid-là. De la même manière, en plus de citer des sortes de shirk, akbar et asghar, le shirk va citer aussi quoi, des choses qui mènent au shirk. Parmi el-ghulu et les bid'a, notamment, comme on verra, concernant les tombes, l'adoration des tombes. Il va aussi citer des choses que la ilaha illallah indique, mais bid-dilalat et-tadammun, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a certains chapitres dans ce livre-là qui sont liés à au nom et aux attributs d'Allah Jalla wa'ala, puisque, comme on l'a dit depuis le début, le tawhid al-rububiyya ou tawhid al-asma wa sifat, c'est la base du tawhid dans l'adoration. C'est parce qu'Allah Jalla wa'ala se décrit par des attributs de perfection que lui seul, et que lui seul possède ces attributs-là, que lui seul mérite l'adoration. Et donc le fait d'évoquer ce tawhid-là, ça a son importance pour comprendre, pour que l'abd, le serviteur, comprenne pourquoi lui seul mérite l'adoration. Et bon, il termine par le fait de louer le livre du Shir en disant que malgré le fait que le livre du Shir soit court, personne n'a précédé le Shir dans la forme dans laquelle, on va dire, il a rédigé son livre. Il a rédigé son livre, comme on l'a dit, à la manière des anciens, des salafs, en citant juste un titre, ce qu'on appelle « Tarjama », et juste des « Adilla » ensuite, puis il a cité certains commentaires dans ce qu'on appelle « El Masail ». On ne l'a pas dans le livre, nous, mais dans la base, ça y est. Et il a cité ensuite des textes du Coran et de la Sunna comme dalil du titre et du hukm qu'il met dans les titres des chapitres. Et c'est un livre qui est unique en son genre dans ce sens-là. Et celui qui connaît ce livre-là, qui a ce livre-là en tête, qui peut se rappeler des dalils, ça lui suffit à répondre à n'importe quel mubtadi', et ça lui suffit déjà lui-même à comprendre le tawhid, et ça lui suffit à répondre aux mubtadi'a et aux mushrikin. Donc il veut montrer la valeur du livre du Sheikh, et que c'est une base importante. Comme on a vu le wasitiyya, qui est une grande base dans le tawhid, dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce livre-là constitue une grande base dans le tawhid, dans l'adoration, et celui qui peut rassembler ces deux livres-là, le tawhid donc du Cheikh Mohammed dans l'Uluhiyya et le Wasitiyya d'Ibn Taymiyyah, il a une base solide dans la aqida, dans la connaissance de sa aqida, et dans le fait de s'armer contre les choubouettes del mukhalifin, del mubtadi'a, et de pouvoir déjà avoir une bonne croyance pour lui-même, et de pouvoir appeler les gens à la bonne croyance, et d'avoir les armes nécessaires à répondre donc au mubtadi'a, comme on a vu aujourd'hui donc dans le hadith de Sahih Muslim. Donc, من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. Donc ça, c'est une grande réponse à ceux qui prétendent que la foi, ou que le muslim, il protège son bien et son sang et son statut de musulman simplement avec la parole, même s'il commet des actes de shirk akbar. Évidemment, c'est batil bil Qur'an wa sunna wa l'ijma'. Et wallah al-musta'an. Donc, Inch'Allah, on va arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah, On commencera le cours en lisant une petite partie d'un livre de Fiqh Hanbali, ce que j'ai chez moi. Et on verra comment les ulémas y parlent des annulants de l'islam, de ce qu'on appelle dans le chapitre de Hukm al-Murtad, et ce qu'ils citent comme parole, comme acte, et comment ils ont fait la différence entre le shirk akbar et entre d'autres annulants, qui vont pas annuler la ilaha illallah de manière directe comme le shirk annule cette shahada. Le shirk, il annule cette shahada de manière dans sa base, directement. C'est bien qu'on ne peut pas trouver le shirk akbar et l'islam chez une même personne en même temps. Il y a d'autres annulants qui annulent l'islam, mais où des fois les ulama, ils ont conditionné certaines choses pour que ça devienne un annulant. On verra comment ils ont fait la différence entre les deux choses pour bien comprendre que le shirk, il n'y a pas de condition pour que ça soit un annulant de l'islam. On arrête là, wallahu alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.